que ce soit un Boche, que ce soit un Russe, que ce soit un Amerloc, qui met ses pieds sur mon terrain, je le refroidis, hein. Eh, me voyez là. J'aime pas ça, eh. chercher le fou. Parce que, apparemment, l'armée, c'est pas pour tuer, c'est pour éplucher les patates. Vous êtes à une soirée des gueules noires, dans une ambiance, ma foi, sympathique, qui nous permet d'exprimer différents points de vue sur la culture, sur la philosophie, sur la politique, en général. Voilà. Fais tomber la sourdine.